Et Raymond Poirier pour la chronique Technologie de l'information. Bonjour Raymond. Bonjour Michael. Et aujourd'hui, bien, tu vas nous vanter Singapour. Oui, entre autres choses, évidemment. il faut dire en fait que Singapour se retrouve actuellement au sommet du rapport mondial sur les technologies de l'information édition 2015. C'est un rapport très sérieux fait par le Forum économique mondial qui évalue avec une pluralité de critères la capacité qu'ont les nations, les États à intégrer les technologies de l'information dans leur mode de fonctionnement pour leur population sur une variété de critères, une variété de facteurs. On parle notamment donc de la notion de créer un environnement technologique pour les affaires, pour la politique, avoir des infrastructures, des prix, une accessibilité, des compétences pour utiliser les technologies également. On parle d'usage aussi par les gouvernements, par les gens d'affaires, par les individus. Ils sont mesurés aussi sur les impacts économiques, les impacts sociaux. Donc, quand même, une espèce d'analyse assez détaillée qui répertorie exactement 143 pays. Et donc, effectivement, comme tu disais, Michael, c'est Singapour qui arrive en tête de l'analyse. Et en toute dernière position, c'est le Tchad. Oh! Donc, si on fait le parallèle, il y a deux pays non-européens qui se retrouvent dans le top 10. Alors, c'est le Japon et les États-Unis, mais sinon, de manière générale, la région européenne est très, très forte, très, très solide, et il y a peut-être un peu moins, comparativement à d'autres régions, moins de schisme entre les différents secteurs, donc que ce soit Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Europe centrale. Tout le monde tout le monde s'y trouve de manière quand même assez adéquate, comparativement à d'autres secteurs de la planète. Parce qu'en Amérique du Nord, Canada, par exemple, Québec... Le Canada, c'est quand même pas si mal, 11e position. Donc, on est en compétition aussi de ce côté-là. Tout juste avant, la Corée, l'Allemagne, Hong Kong, le Danemark, l'Australie, qui se retrouvent un peu derrière nous. Mais on voit, en fait, les zones géographiques, c'est un peu comme on s'en attendrait, d'une certaine manière, en sachant que la Chine, le Japon aussi, des économies émergentes. Bon, Singapour, qui est bien établi dans la sphère des technologies, un système de... un gouvernement en ligne qui est reconnu, qui est étudié par certaines universités. Mais quand on regarde, par exemple, la région de l'Asie, justement, on voit d'un côté, donc, Singapour, le Japon, qui sont extrêmement forts, mais il y a d'autres régions qui sont vraiment dans la dernière moitié du top 100, là, et même dans la plus basse section. C'est la même chose aussi avec le Moyen-Orient, donc l'Arabie Saoudite, notamment, Koweït, qui sont très forts, mais il y a d'autres régions qui sont excessivement faibles, Afrique, etc. Donc, des pays même. La Chine, j'imagine, Shanghai doit être bien établi, mais après ça, tu vas en région, il doit pas avoir grand-chose. Non, exactement. En fait, c'est même un des grands constats, si on peut dire, des gens qui ont fait ce rapport-là, dans la mesure où, finalement, pour eux, ça fait mettre en évidence d'un côté, le fait que les technologies sont devenues très, très fortes, très, très solides au fil des années, que les progressions se font rapidement, mais avec une vive intensité, mais qu'en parallèle, il y a des laissés pour compte de manière assez drastique aussi là-dedans. C'est assez préoccupant de manière générale, et c'est la première conclusion, d'ailleurs, en fait, leur communiqué de presse dit que la pauvreté numérique freine le développement de la croissance mondiale. On se questionne justement à savoir, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'ubiquité technologique dans un contexte comme celui-là? C'est d'ailleurs, en fait, dans le rapport, c'est présenté comme un mythe qu'on a mis à bas. Dans la mesure où, selon le rapport, donc il n'y en a pas partout, ça ne se répand pas aussi rapidement que ce qu'on pourrait le penser. Et donc, il y a une persistance dans cette notion de fracture numérique. L'évolution, la croissance se fait parce que ceux qui les utilisent plus, mais finalement, ceux qui ne les utilisaient pas au dernier rapport et au rapport précédent ne les utilisent pas plus aujourd'hui. Donc, il y a des connexions mobiles, je pense à peu près, il y a pratiquement autant de connexions, autant d'abonnements aux services mobiles qu'il y a de personnes sur la planète, mais il y a la moitié de la population qui n'ont pas de téléphone mobile. Il y a 450 millions de personnes qui n'ont tout simplement même pas accès à des signaux de téléphonie mobile chez eux. Une division importante entre les centres urbains, entre les secteurs ruraux, entre la population qui a des moyens financiers importants et ceux qui en ont beaucoup moins, et évidemment aussi entre les générations de services qui sont disponibles dans les différents secteurs. Est-ce qu'ils constatent? Est-ce qu'ils font des sortes de recommandations? Peut-on même faire des recommandations? Mais c'est la grande question, peut-être, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut justement faire des recommandations au-delà d'être excessivement préoccupé. En fait, les gens qui ont fait l'étude disent que le rapport montre, comme je le disais, que la fracture numérique s'accroît. C'est préoccupant étant donné le rythme implacable du développement technologique. Les pays moins développés qui risquent d'accumuler encore plus de retard. Donc, il faut prendre des mesures concrètes, mais quelles sont-elles? Je pense que le rapport vise d'abord et avant tout à faire le constat du fait, justement, qu'on est, oui, une humanité avancée technologiquement, mais pas tant que ça. On essaie de mettre de l'avant peut-être le pouvoir transformatif des technologies de l'information. On continue peut-être un peu de développer un argumentaire sur l'importance de ne pas laisser trop de gens derrière nous, que ce soit à l'interne dans les pays ou que ce soit entre pays également. Évidemment, on dit que donner plus d'accès au web, ça a été analysé, c'est donner plus d'accès aux services, plus d'accès pour créer des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, pour créer une dynamique économique, pour engager les citoyens entre eux et avec les gouvernements pour transformer le monde. Alors, beaucoup de belles paroles, évidemment, à travers tout ça. Mais dans le fond, la question, c'est les moyens. Et les moyens, essentiellement, ça reste les politiques publiques, d'une certaine manière. Donc, ce qu'on dit, c'est que il faut donner des accès, essayer de développer des outils pour amener les moyens, justement, les infrastructures, dans bien des cas, à se développer, planter les fruits, d'une certaine façon. Et ça va dépendre beaucoup des États. Donc, de quelle manière l'État va être en mesure soit de prendre en main le développement de ces infrastructures-là qui sont parfois assez onéreuse, soit créer des conditions qui vont amener des entreprises à s'installer. Évidemment, on parle quand même du Forum économique mondial. Alors, eux disent, prenez exemple l'Afrique subsaharienne qui ont libéré leur marché technologique et qui ont laissé libre part à l'entreprise pour développer tout ça. Alors, on parle du Kenya, de la Tanzanie qui en ressortent avec plusieurs bénéfices d'investissement privé et le reste, mais il faut dire qu'il y a aussi la notion de l'organisme qui est derrière tout ça, qui cherche évidemment à développer un peu son agenda de ce côté-là. En fait, question un peu bête, j'en entends qui peuvent dire oui, mais ça fait des décennies qu'on se bat pour donner accès à l'eau à tout le monde, alors les technologies, ça peut attendre? Mais c'est une question effectivement qui se défend, et la question, c'est de savoir d'un côté, il y a une question de survie physique. De l'autre côté, il y a une question de participation à la vie planétaire. Et est-ce qu'on est en train de créer à ce niveau-là aussi deux classes de citoyens? Donc, un schisme qui est déjà présent, évidemment, au niveau de l'accès à des ressources naturelles, de l'accès aux besoins de base. Et dans un contexte où il y a cette réflexion à savoir, est-ce que dans les besoins de base qu'on a, il y a ce besoin d'être informé, de pouvoir s'exprimer aussi, qui existe une fois qu'on survit adéquatement, est-ce qu'Internet devrait être considéré comme un besoin de base aussi pour être bien informé, pour prendre part à ce qui se passe sur la planète? Il y a quelques années, en fait, quand j'ai commencé, je pense, les chroniques ici à CKRL, il y avait cette question de savoir du web, qu'Internet était reconnu il y avait proposition que Internet soit reconnu comme un droit fondamental, au même titre que le droit à l'information, parce que aujourd'hui, le droit à l'information est implicitement lié à l'accès à Internet. On peut plus nécessairement être citoyen du monde sans avoir accès à l'information. Donc il y a cette importance-là. Et évidemment, il y a aussi une notion de gestion des ressources qui est liée à l'accès à des informations. Et cet accès-là, on en parle au fil des semaines avec les notions de ville intelligente, de données ouvertes, de données big data et le reste. Mais il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir accès à cette information-là permet aussi de prendre des meilleures décisions qui, pour certains États, peuvent amener ou peuvent pointer des directions pour régler des problèmes tout aussi fondamentaux. Donc, l'un, oui, peut aller sans l'autre, mais pour vraiment amener les gens qui habitent dans qui vivent ces situations-là à se libérer justement de ces différents étaux, ça implique, entre autres, une ouverture sur le monde à travers les technologies. On ne devrait pas faire le choix entre l'un et l'autre. On devrait y aller que tout ça, en fait, au complet. Oui, logiquement, exactement. Parce que sinon, de toute façon, oui, ils vont avoir des meilleures conditions de vie, mais reste qu'ils ne pourront pas prendre part aux débats planétaires, aux révolutions sociales qui sont amenées par la connectivité qui est liée à tout ça et une dynamique de prospérité partagée, pour prendre un peu les termes du Forum économique mondial, où on a l'impression que même dans l'équilibre régional, qu'une région peut pas être en santé si on a le tiers de la région qui vit richement, qui va bien, qui est connecté, que l'économie roule, les gens vont bien, sont en santé, puis qu'on a l'autre deux tiers de la région qui ont beaucoup de difficultés, qui est dans un complètement autre dynamique de vie et qui n'est pas nécessairement, au bout du compte, de connexion avec ce qui se passe, même d'un point de vue régional, voire même d'un point de vue national. Alors, ça rend la chose beaucoup plus difficile. Et dans un contexte de développement régional, ben, il y a moins de cohésion aussi, au bout du compte, là-dedans. Alors, on dit ben, que il y a des modèles de collaboration qui sont beaucoup plus intéressants, qui vont permettre de créer, oui, des nouveaux modèles d'affaires, mais aussi permettre aux citoyens, aux gens, aux communautés locales, d'aller chercher peut-être des moyens auxquels ils n'avaient pas jusqu'à récemment accès parce que justement ils n'étaient pas en mesure d'aller les chercher de manière plus facile, des services financiers, des services éducatifs. On sait la richesse de ce qui est disponible sur le web au niveau de l'éducation personnelle, que ce soit avec des plateformes comme Khan Academy par exemple, pour ne nommer que celle-là, les accès à des formations collégiales, à distance, universitaires, oui, à distance, gratuites dans bien des cas, mm-hmm, aussi, de plus en plus. Alors il y a aussi cette dynamique-là quand on parle d'éducation, mais que il y a un intérêt à donner cet accès-là. Il y a aussi, évidemment, la notion de participation dans les destinées de l'État. Encore là, si on est dans un seul pays et qu'encore dans ce contexte de pays-là, il y a des dynamiques, disons, un peu trop distinctes d'accès à l'information, eh bien, nécessairement, la manière d'impliquer ces gens-là dans le débat public local ou national va être différent. Et nécessairement, il y en a qui vont prendre plus de place que d'autres. Si j'ai pas accès, si je suis au Québec et j'ai pas accès à Internet de manière générale, ben il y a sur bien des enjeux, je suis informé différemment, mais informé peut-être un peu moins efficacement. Là, si on sort des médias sociaux, puis du reste, là, simplement de pouvoir avoir accès à l'information, mm-hmm, c'est pas du tout la même dynamique. Effectivement, je pense à la Côte-Nord où j'ai vécu. Il y a des régions encore, ben, des sous-régions en Côte-Nord qui n'ont pas encore Internet haute vitesse et même mobilité, ça n'existe pas non plus. C'est le bon vieux 56K qui est encore là, ce qui remonte quand même pour moi en 99, le 56K. On est en 2015, c'est quand même encore surprenant. Oui, et ça veut dire en fait que pour ces gens-là, il y a beaucoup de sites auxquels ils n'ont pas accès parce que les sites aujourd'hui sont créés pour de l'Internet haute vitesse. Mm. Donc si on a du 56K, je veux dire... C'est pas d'aller sur la presse ou Radio-Canada, c'est impossible. Exactement, et dans un contexte générationnel où en fait, je pense que je suis tombé sur une étude où les gens attendent peut-être 10, 15, 20 secondes pour qu'un site se télécharge et il y en a qui vont débloquer, qui vont déconnecter par après et qui vont dire c'est trop long, on va passer à un autre appel. Alors en fait, là-dessus, quand on dit OK, ça prendrait peut-être 5-6 minutes avant que le site télécharge. Ensuite, il faut aller à une autre sous-page. Ça n'a plus de sens. Là. Et ils ne peuvent pas pirater. Tout le monde a le droit de pirater aussi. Bien, Raymond Poirier, merci. Ça fait plaisir. Alors, grand débat. Ah, oui.